Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est bien sur Fadjet le samedi à 19h car on se paye une tranche de disco funk. Et comme on aime découvrir les choses, ça tombe bien, c'est la découverte qui arrive. Heywood et son titre Roses, paru en 1986. Dès son jeune âge, Heywood se destine à une carrière d'artiste. Elle fait ensuite des débuts en tant qu'actrice à la télévision et aussi dans quelques films. C'est en 1983 qu'elle fait ses premiers pas en tant que chanteuse en sortant le single A Time Like This, qui se classe quand même 48e en Angleterre. Et il va entrer dans le top 5 du Hot Dance Club Party aux États-Unis. Alors les États-Unis, il y a plein de hits, plein de classements, ils adorent ça. En 1985, Heywood sort son premier album, Arrival, auprès du label CBS Records. L'album va comprendre 11 titres, dont Getting Closer, Roses ou encore You Better Not Fall Around. Par ailleurs, l'album reçoit la collaboration des producteurs de Stock, Aitken, Waterman, ou plus précisément le trio Mike Stock, Matt Aitken ainsi que Peter Waterman. Ces derniers, ils forment une savante équipe de producteurs considérés comme les équivalents anglais de la Motown. Ils ont fait aussi Rick Astley, si vous connaissez, c'est toute une usine à tubes, on va dire. Alors en 1986, le single Roses est réédité et va se classer à la 11e place en Angleterre. Alors que sa sortie en 85, la même chanson se plaçait 65e. Allez, maintenant assez parlé, place à l'écoute. We'll be right back. Le mois dernier, nous a quitté un grand de la musique, Quincy Jones. Il est temps de lui rendre hommage. Né en 1933, il est considéré comme l'un des plus grands producteurs de musique. Il a travaillé sur 3 albums de Michael Jackson, dont le plus vendu de tous les temps, Thriller. Il a remporté 28 Grammy Awards et un Grammy Legend Awards en 1992. Alors, on a déjà écouté pas mal d'extraits d'Off the Wall et vous avez pu vous rendre compte de son génie. Pour lui rendre hommage, 2 morceaux extraits de son album The Dude, paru en 1981. Le premier, le fameux Ain't No Corrida, une reprise d'un titre de Chas Jenkel. Et le second, The Dude, avec James Ingram au chant. Enfin, au chant, on chante, hein, il est en train de labourer. Allez, c'est parti. Bonne préparation de fête avec Fadjet. in the neighborhood. The beauty's on duty, better hear me good. Sister E fat tomato, brother B fat balloon. Something funk is going down, better listen to my tune. I graduated from the college of the streets. I got a PhD in how to make ends meet. Inflation in the nation don't bother me, cause I'm a scholar with a dollar, you can plainly see. Maxi, un titre que vous connaissez tous, je suppose bien sûr, et qu'il me tarde aussi de vous faire écouter, Murphy's Law de Cherry. Alors c'est paru en 1982 et bien sûr le titre va atteindre la première place des hits. Il s'agit d'un groupe composé de la fille de Geraldine Hunt, Rosalie Hunt, et de la Canadienne Liz Cullerier. Il s'agira de leur seul morceau classé dans les hits. Un album sortira en 1983 qui s'appellera Love Stew, où la chanson sera bien sûr incluse. Alors, il est à noter que Geraldine Hunt la reprendra durant les années 90. C'était en 1982, et ça donnait ça. Sure how to get you. On est presque à la fin de notre rendez-vous, mais il reste la pépite. Un groupe que l'on n'a pas encore entendu chez nous, Womack & Womack. Tears Drop est une chanson sortie en single le 5 août 1988 et extraite de l'album Conscience. Si elle n'entre pas dans les différents classements du Billboard aux États-Unis, elle rencontre le succès en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je trouve le morceau très bien et comme je suis retombé dessus par hasard, ça m'a donné envie de l'écouter. Bonne dégustation. No. Il est maintenant temps de se quitter. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye.